Pêche ou crève, ou le destin tragique de la Camille, de Paul Grièche. Seconde partie. C'est au printemps 1892 que tout a débuté. La Camille, trois mâts goélettes de 350 tonneaux, vogue de Cancale vers Terre-Neuve, sur le grand banc où l'on pêche la morue depuis plus de deux siècles, dans les conditions les plus rudes. L'équipage est au complet, composé de marins aguerris et de paysans racolés à l'automne, pour un salaire au double de leurs gains annuels. Comme disent alors les Terre-Neuvas, le pain est là-bas. Les deux capitaines sont là, chacun son rôle, chacun sa paye. Le capitaine pilote, Joseph de la Motte, ancien marin breveté de la marchande, est chargé d'assurer la navigation entre le port et le lieu de pêche. Le capitaine pêcheur, Albert Kergent, subrécargue, homme de l'armateur, conduit les opérations de pêche et de salage du poisson. Entre les deux capitaines, deux mondes s'affrontent. Les hommes de la Camille s'adaptent comme ils peuvent à ces deux personnalités. Corbel, le plus aguerri et le plus sage, Pélan, l'ami du capitaine Kergent, le crubier, le voilier, et Samson, le saleur, ont l'expérience qui leur dicte de ne pas braquer leur chef. Cloarec, le cuisinier, Bisoirne, la forte tête, Tinténiac, le petit brailleur de Quimper, tiennent bon, eux aussi, par habitude et grâce à leur courage et à l'alcool. Et il y a les nouveaux. Le Billan, paysan recruté à l'automne et amené de force par les gendarmes, n'a pas sa place à bord. Mais il est trop tard pour changer d'avis. Alors Corbel, l'ancien, lui apprend les rudiments de la pêche. Il y a Lucien aussi, le mousse de 12 ans. Il est là pour servir les deux capitaines. Il apprend, il sert. Sous la direction de Delamotte, la Camille arrive enfin sur le grand banc après plus d'un mois de navigation difficile. Là, le plus dur commence. Sous les ordres de Kergent, les pêcheurs partent chaque jour sur des doris, descendent de lourdes lignes et les remontent péniblement le lendemain matin. Pendant ce temps, sur le pont du navire, à chaque retour de Doris chargé jusqu'à risquer le chavirage, les marins découpent, tranchent, salent et empilent le précieux poisson. Après quelques jours, le vent tombe, la mer se fige et une brume épaisse envahit l'horizon. La pêche devient médiocre. Et puis un soir, un Doris ne rentre pas. Kergent, que ses excès d'alcool rendent d'humeur encore plus sombre et violente qu'à l'accoutumée, se persuade que les hommes ne reviendront pas et veut faire déplacer la Camille vers une aire de pêche plus favorable. Delamotte s'y oppose. Il fait sonner la corne de brume et tonner le pierrier pour que les hommes perdus dans le brouillard puissent revenir au navire. Ils sont perdus, les gars! Et vous le savez bien! Arrêtez, bougre du temps! Colère ou par jalousie, dans la tension et l'angoisse due à la disparition de deux compagnons, dans l'épuisement et dans les brumes de l'alcool, le drame se noue. Mai 1892. 28e jour sur le grand banc. Mer plate, toujours la brume. Hier, la journée de pêche n'a pas été bonne. On a trouvé des traces de rouge dans le poisson en cale. Je l'ai fait isoler. Bon, arrête, merdaillon! Va faire ton ménage dehors. Bah, je fais ce qu'on me dit. Oui, ben, dégage. Oh, nom de Dieu. Alors, où j'en étais? Depuis son accident, la santé de Delamotte est stable. Il devrait se remettre rapidement et nous mener vers meilleure pêche. Nous rentrerons ainsi les cales bien pleines. Le Doris de Guérin et Renaud n'est pas revenu. Ils doivent être à Saint-Pierre à ce jour. Le premier de prendre le poste de Guérin. Ça porte malheur. Dis pas de bêtises, il est pas mort. Et te voilà devenu devin, Samson. Il faut que le travail se fasse, Bizouarne. Il a raison. Si on prépare pas ce poisson, il va se perdre. Déjà qu'on en remonte guère... Allez, le voilier, viens mettre les mains dans le poisson. Peut-être bien que Guérin est pas mort. Ah, bah c'est ça. Et il boit à ta santé avec une putain à Saint-Pierre. Allez, au boulot, les gars. Dis donc, tu cocottes le bilan. Pourquoi donc tu travailles les manches relevées? Tu risques de te couper la couenne. Ah, ça me gratte. J'ai des choux de Terre-Neuve. Il en a sur les poignets. D'accord. Tu iras voir Touareg ce soir. Mais gaffe à ton couteau, parce qu'une coupure avec ce temps-là, ça se guérit pas bien. D'accord. Des choux sur les pattes. Eh ben, dis donc. Ça et l'odeur. Ces gens de la ferme, ils sont toujours pleins de surprises. Vous avez entendu, les gars? Tinténiac qui parle d'odeur. Fais pas attention, le billon. Tinténiac, c'est toujours la dernière à retourner son linge de corps. C'est vrai. Je crois bien qu'il l'a pas encore fait. Attends, et toi, tu les as retirées une fois, tes bottes, depuis qu'on est parti? Alors ferme ta grande gueule. Allez, vous battez pas. On puera bientôt plus que des bulots. Plus que des morts. Corben. Ah, je peine, mon gars. Tu voudras bien me remplacer à la fin de cette ligne? Bien sûr. On va pas beaucoup dormir encore. On n'était jamais parti si loin, si? Non, mon gars. T'as raison. À force de rester au même endroit avec la Camille, on empoisonne l'eau. Il n'y a plus que du mauvais poisson à des lieux à la ronde. On a bientôt fini avec les lignes. On va bientôt rentrer. 2 heures pour rentrer, si on se perd pas. On se couche et on repart demain matin à 4 heures. On revient, on remonte pendant 6 heures, et après on retourne à la Camille. La dernière fois, chargé de poisson, t'as mis presque 4 heures à la rame. Et après-demain... Bon, Corbel. Mais... C'est toi qui me remonte le moral d'habitude, non? Oui. Oui, t'as raison. Tiens, prends ma place, là, je perds la boule, moi. Tiens. Attention, tiens-la bien, hein. Oui. Tu l'as? Oui, je l'ai. Bien. Mets-toi ici. Là. Là, voilà, c'est bien. Je laisse descendre? Oui. Oui, comme tu m'as vu faire. Doucement, doucement. Pour pas t'emmêler les pinceaux. Bon sang. Calme-toi. Ah, ça va. Bah, si ça va, vas-y plus doucement. Doucement, mon gars. Hein? On sera rentré plus vite. Non, mais c'est pas grave, ça. Concentre-toi, le billard. Doucement, on a le temps. Bah, tu disais pas ça. Mais je le dis pour toi, maintenant. Allez. Je vais descendre la dernière ligne, laisser la dernière bouée et on va rentrer. Oui, mais fais attention. Moins vite. Hé! Hey! T'es crampé ? Le billard ! Fameux. Pas fameux. Tu veux rire, Tintignac ? Guérin et Renaud perdus, de la motte moitié mort, moitié manchot, et maintenant, le bilan ? Ah, pauvre gamin. Je l'ai vu englouti, comme ça. Non ! D'un seul coup. À peine le temps de crier qu'il filait sous l'eau noire. Ces foutus hameçons vous laissent pas une chance s'ils grippent votre vareuse. Ce navire est maudit. Ne dis pas ça, Pissoir. Et qu'est-ce que je devrais dire ? Et la brume, alors ? Il a pas tort. Cette brume qui a perdu Guérin et Renaud. Et le vent qui est tombé depuis quand, hein ? Combien de jours ? Oh, 10 jours. Les voiles sont carguées depuis 14 jours. 14 jours sans vent ? L'eau est pourrie autour du bateau. Faut qu'on aille de plus en plus loin avec les Doris, et même comme ça, on remonte à peine assez de poissons pour payer ce qu'on a reçu. Je peux vous dire qu'à ce train-là, on n'est pas prêt de rapporter quelque chose chez nous. La Camille est maudite. À cause de ces foutus capitaines. Tais-toi, Bisoir, nous je te fais bouffer les 3 gigots qui te restent. Tu me rendrais service, moi. J'ai encore une rage dedans. Il a raison, Samson. Ça tient du maléfice. On se demande. T'as déjà connu tel malheur, Corbel ? Non. Si on veut rentrer à la maison, c'est à la Sainte Vierge qu'il faut le demander. Pas en parlant de diablerie. Rentrer à la maison. Avec quel capitaine ? De la motte et à moitié foutu. On devrait le ramener à terre. Et comment donc ? Kerjean est pas pilote. On navigue aux instruments, Pélant, tu le sais bien. Pour perdre encore 10 jours pour le porter à Saint-Pierre ? Ouais, t'es fou. Tu parles comme Kerjean. Comment ça ? De la motte pèse pas bien lourd comparé aux poissons. Kerjean voudra jamais qu'on le ramène à terre. S'il veut le remettre sur pied, c'est pour changer d'air de pêche. Mmh. Il arrête pas de marmonner qu'il veut nous sortir du brouillard pour qu'on aille au bonnet flamand. C'est pas une mauvaise idée. Ça ou autre chose. En attendant, on est coincé là. On s'en sortira pas. Arrête de parler comme ça, Bisoir. Ouais, bah... S'il te plaît. Prions pour la Camille. S'il y a que ça à faire. Oui, prions. La Sainte Mère. Allumez les bougies. Prends l'image, Corbel. Salut, étoile de la mer, mère nourricière de Dieu, et toujours vierge, bienheureuse porte du ciel, en recevant Bisoir, prie avec nous. Tu veux notre malheur ? Bisoir. C'est bon, les gars. On recommence. Salut, étoile de la mer, mère nourricière de Dieu, et toujours vierge, bienheureuse porte du ciel, en recevant cet ave de la bouche de Gabriel, et en changeant le nom d'Ève, établis-nous dans la paix. Enlève leur bien aux coupables, donne la lumière aux aveugles, chasse nos maux, nourris-nous de tous les biens. Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you. t'entends ça, Lucien? Oui, capitaine. Il va me rendre fou à se plaindre comme une bonne femme. On dirait t'y pas ta mère, Moussaillon. Serre-moi encore. Tous, sont tous contre moi pour me rendre fou. Ils veulent que je perde la face. Tous autant qu'ils sont. Tous contre moi. Allez, là, ça, c'est bon. Et ferme ta gueule, bon à rien. Tu fais moins le grand monsieur avec ta paluche en moi, hein. Et ta jambe. Ah, pas belle. Pas belle ta jambe. Le destin, Delmotte. On n'y peut rien. Tu payes ce que t'as fait. On paye tous. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu vois, Lucien, à quoi qu'il ressemble, notre capitaine à la vareuse du dimanche, hein? Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Assassin! Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, Delmotte? Répète! Pour rien! Et répète pour voir! Espèce de lâche! Arrêtez! Espèce de lâche! Arrêtez! Pitié, capitaine! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il dit, lui? Capitaine! Arrêtez! Pitié! Mais comment, Moussaillon? Mais ici! Oh! Qu'est-ce que t'as dit à ton capitaine? Hein? Répète-le pour voir. Arrête. Redis-le, petit. Arrêtez. Ah, mais celle-là, c'est la meilleure! Ah, tu joues les Samaritains, hein? Allez, viens là. Assis-toi. À la table? Bah oui, à la table des capitaines. Ramasse la chaise. Et assis-toi. À la bonne heure. Ouais. Serre-moi encore un verre. Oh, ben il n'y en a plus. Écoute, Moussaillon. Tu écoutes? Oui. Jamais, plus jamais tu redis à Albert Kerjean, capitaine pêcheur de la Camille, ce qu'il doit faire. Tu entends? Oui. Eh bien, va me trouver une bouteille d'Armagnac. Il en reste encore chez Cloarec. Allez, va. File. Oh, je les materai tous. Nom de Dieu, je les materai. Mai 1892, 35e jour sur le grand banc. Pas de vent et mer plate. Les hommes sortent malgré la brume, mais ils ne rapportent pas autant de poissons qu'il faudrait. La faute aux chiens de mer et aux marrages de fond qui grouillent autour de la coque et font fuir le vrai poisson. Toutes les saletés qu'on jette par-dessus bord les attirent, comme la misère se jette sur les pauvres gens. Les Doris doivent partir de plus en plus loin pour trouver bonne pêche. Ce n'est pas comme ça que nous gagnerons notre tiers. Le rouge est stoppé en cale. J'ai fait jeter 300 kilos de poissons gâtés par-dessus bord. J'espère que cela n'attirera pas encore plus de ces mauvais requins qui traînent déjà autour de la Camille. Le reste de la cargaison est sain. Et tu restes ton cul assis là, comme ça? Moi, je alors, moi, ça va, hein. Eh ben alors, va le chercher si tu veux. Mais vous êtes pas sérieux, les gars? On bougera pas. Eh ben, pas besoin d'aller le chercher, Pélan. Le blanc. Qu'est-ce qui se passe ici, nom de Dieu? Ces gars et moi, on veut pas sortir tantôt. Exactement. Vous voulez me rendre zinzin ou quoi? Putain de Dieu, qu'est-ce que vous avez encore? Mais Kerjan, on a perdu Guérin, Renaud, et le Billan, paix à son âme, est au fond, bouffé par les morues qu'on remonte. De la Motte est bien amoché. Il va mieux. Faut le ramener à terre. Ben, vous êtes tous fous. On peut pas se permettre vos simagrées. On remonte presque plus rien. Même le mauvais poisson est parti. La Camille est maudite. Giswarn, je ne veux pas entendre ce mot, compris? Vous avez perdu la tête. Tous. Vous êtes engagés au tiers. Un tiers du revenu de la pêche. Et vous croyez qu'avec ce qu'on a remonté... Mais où qu'on en est donc? Tu le sais bien, Tintignac. Où qu'on en est donc? Elle est bien bonne, celle-là. On en est que... Hier, j'ai fait jeter par-dessus bord le poisson gâté par le rouge. Oh. Et ça va attirer encore plus de ces marâches. Et on va devoir partir encore plus loin avec les Doris pour trouver le poisson. Il faut bien le pêcher, ce poisson, si vous le voulez, votre tiers. Sinon, avec les avances que vous avez reçues pour l'embarquement, c'est vous qui allez cracher quand on sera de retour, pour payer le patron. On peut bouger le bateau pour suivre le banc, mais aller à terre, c'est de la folie. Oh, n'exagère pas, Albert. J'exagère ? La demande au saleur où qu'on en est, on cale. Samson, dis-leur. C'est vrai que c'est pas fameux. Où on en est? On va le gagner, notre tiers de part? Mais dis-leur, bon Dieu! Je sais pas. Ouais, si on nous prêtait pas à des intérêts de bandits aussi... Mais tiens ta langue, Biswarm. C'est pas le poisson jeté. C'est pas ces chiens de mer qui font fuir notre pain à rôder autour de la Camille. C'est pas le tiers, Albert. Tu le sais bien. C'est de la vie de tes hommes qu'il est question. De la vie de Delamotte. Il se remet, Delmotte. Et quand il sera sur pied, il nous mènera au bonnet flamand. Le bonnet flamand. C'est bien avant qu'on aurait dû partir. Mais avec cet oiseau-là, il fallait attendre le Doris qui manquait. Maintenant, l'eau est empoisonnée autour du navire et en attendant qu'il répare ses âneries, on continue ici. À des centaines de brasses dans la brume. Là où il faut. Ça te suffit pas, ceux qui sont... Tais-toi, Corbel. T'es tout vermoulu, mon pauvre vieux. Kerjan. On dirait du bois bouffé par le sel. Toi, mais par les choses pareilles. Allez, reste là si tu veux. T'es trop vieux pour l'ouvrage. T'es plus bon qu'à balancer tes gars par le fond. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Retiens-le. Calme-toi. Vous allez pêcher, tous. Les trancheurs trancheront tantôt. On partira quand Delmotte sera remis. Nous mènera sur le banc. Et en attendant, on pêche. On est là pour ça. Vous êtes payés pour ça. Et le premier qui traîne les pieds, je le fous aux mains pour lui fouetter la couenne. C'est compris? Compris? Bien. Pélan, Samson, tenez-moi ça à l'œil. Toi, Corbel, tu peux rester au lit, comme une vieille que tu es. Oh, ça va. Et les autres, pas de faiblesse. Il faudra un volontaire pour remplacer ce vieux sur le Doris. Eh ben, compte pas sur moi. Tu t'as pas le droit de lui parler comme ça, c'est dégueulasse. Je vais me gêner. Allez, on en crèvera de vos faiblesses. Lucien! Où que t'es, mon Dieu? Oui, entre. On parle tout bas. Hein? Les hommes dorment. Et viens t'asseoir, Moussaillon. Qu'est-ce que vous... T'inquiète, petit. Tiens, prends un coup. Merci. Bois. Allez, bois. Tu n'as rien à craindre. Avec Corbel, on veut juste être sûr que tout va bien. Comme tu restes longtemps seul avec Cargent, on veut juste être sûr de... Il est pas trop mauvais avec toi. Il force pas mal avec les boujarons, notre capitaine pêcheur, hein, petit? Oui. Il te mène pas trop la vie dure? Non, pas trop. C'est quoi, ça? Quoi? Là? Tu tires ta manche? Non. Tu t'es tenu le bras toute la journée pendant que t'es noqueté le poisson? Non. Montre. Ah, remonte ta manche. Tu risques rien. On dira rien. Montre. Mais c'est quoi, ça, petit? C'est rien. C'est le capitaine. C'est ton capitaine, mais il n'a pas le droit. Faut venir nous voir, Lucien. S'il est trop méchant avec toi. Hein? Avec tous les malheurs qu'on a déjà eus. Personne mérite ça. Et toi, tu mérites pas ça. C'est d'accord, Lucien? Il a le droit de te foutre une torgnole, mais pas de t'amocher. D'accord? T'entends, dit? Oui. Très bien. Viens nous voir s'il te refait ça. D'accord? Oui. Allez, file maintenant. Va dormir. Hé, hey, attends, petit! De la Motte, il va mieux? Depuis 2 jours qu'Argent laisse pas Cloarec rentrer dans sa cabine pour lui changer ses pansements. Il va mieux? Non. Je crois pas. Bon. Allez, file, petit. Ça va mal, hein? Ça leur. Foutre, oui. Mai 1892, 37e jour sur le grand banc. Les hommes sont nerveux et la pêche mauvaise. Je fais pourtant mon possible pour maintenir le moral de l'équipage. Et... Mais tais-toi quand je me relis! Tais-toi, nom de Dieu! Bon, où j'en étais? Ah oui. Pour maintenir le moral de l'équipage. Et le respect de l'autorité. Le capitaine de la Motte reprend des forces et devrait bientôt nous mener sur une autre aire de pêche. T'entends quelque chose, toi? Il est pas bavard, notre malade, ce soir, hein, Lucien? Non, capitaine. Ah. C'est toi qui as tiré la porte de sa cabine? Hein? Non. Oh. Eh ben. Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Delmotte, ça va-t-il là-dedans? Oh. T'as fermé ta porte, crapule, hein? On te dérange? Tu te caches? Tu veux pas montrer que tu vas mieux? Tu veux laisser le vieux Cargent se démerder tout seul, hein? Hé, hey, Delmotte! Hey. Oh, putain! Putain de Dieu! Capitaine! C'est toi qui lui as donné le couteau? Quoi? C'est toi qui lui as donné le couteau! Je comprends pas. Va voir, petit merdaillon. Va voir ce que t'as fait. Quoi? Va voir Delmotte dans l'état qu'il est. C'est toi, hein? Tu lui as donné ce couteau, petit morveux. Il était trop faible pour se lever. Non. Tu vois ce que ça fait, hein? Un gaillard qui se vide. C'est pas beau, hein? Il en a foutu partout, ce cochon. C'est pas moi. Arrête, ne mens pas. Viens là. Viens, je te dis. Oui. Et reste là. J'ai rien fait. Les menteurs, je les passe par-dessus bord. Tu comprends, petit? Tu te rends compte de ce que t'as fait? Maintenant, il va falloir rentrer. Les gars vont vouloir rentrer. Et comment qu'on rentre sans capitaine pilote? Hein? Hein, Lucien? Ouais. De toute façon, la pêche sera foutue à cause de toi, petit merde. Foutu. Je vais perdre mon poste. Monsieur l'armateur me gardera jamais. Même si on se connaît depuis qu'on a ton âge. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu comprends, petit? Je suis foutu. Putain, je suis aussi foutu que cette cocotte-là qui s'est ouvert les veines comme une grande dame. Il m'a dégueulassé la cabine. Putain, la pêche est foutue. Tu m'écoutes, Lucien? Oui. Va dans ma cabine et rapporte-moi le coffret qui est à la tête de ma couchette. Tu vois? Allez, va. Apporte-le-moi. La pêche est foutue. T'es foutu, mon pauvre vieux père. Allez, pose-le là. Dis, t'as jamais vu de revolver? T'en as déjà vu un comme ça? Hein? Dis donc, regarde. Jamais vu? Eh ben, ça règle tout, ce machin, tu sais. Allez, viens, suis-moi. Viens, petit. Allez, viens. Viens. Tu vas voir ce que c'est que faire son devoir. Viens. Mai 1892, 38e jour sur le grand banc. Le mousse, Lucien Mahé, ivre, a... est passé par-dessus bord la nuit dernière. Les hommes n'ont pas le moral, mais la pêche continue. Voilà. Le capitaine de la motte va de mieux en mieux. Ça peut plus durer. T'en conviens, Pélange? Ouais. Faut faire quelque chose maintenant. Plus personne ne sortira en mer. Et Kerjon n'a pas montré sa gueule depuis hier. C'est pas la peine de parler comme ça. Oh, Pélange, arrête ça. Où qu'est passé le môme? J'en sais pas plus que toi. Par-dessus bord qu'il est passé. La nuit d'hier, quand on a entendu tirer... Mais t'as rêvé, Samson. Et l'homme de Carr n'a rien vu. T'as entendu quelque chose, toi? Ce pauvre Lefeuvre. On voit bien que c'est la peur qui lui tient la bouche fermée. Dites pas n'importe quoi. Cajon est le seul à avoir une arme. Faut éclaircir ça, Pélant. Samson a un fusil. Tu crois que j'aurais fait du mal au petit? Mais non. Mais allez, ça vaut plus le coup de discuter. Venez, les gars. Ouais. Allez. Viens, Pélant. On y va. Cajon aura une explication. Pélant, viens. Ben au diable. Tant pis pour toi. Ouvre, Albert. Ouvre-nous. Ah, bon sang, il n'ouvre pas. Ouvre donc. Sentez ça. Toi donc, t'es pas lavé depuis 2 mois. Et les fameux, c'est là. Ça sent. Mais non, tu rêves. Voir. Non, il a raison. Salaud. Ouvre. Ouais, ouvre. Taisez-vous. Cajon, ouvre donc. On défonce ta porte. Ouais. Dégagez, Borien. Laissez-moi tranquille. Ouvre, Kerjean. On se fait du souci pour Lucien. Et de la motte. Ça pue dans ta cabine, capitaine. C'est vous qui puez. Oh. C'est ça. C'est vous qui pourrissez. Il va pas bien. Vous êtes foutus. Comme Delmotte. Comme Lucien. Oh. Comment il parle? Vous êtes tous pourris sur pied avant que j'ouvre cette porte. Ouvre, Kerjean. On démonte tout ton putain de bateau. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'aimerais bien voir ça. Allez, tenez, puisque ça vous intéresse tant, hein? C'est ça. Ouvre, crapule. Oh, ils sont-ils tous crevés là-dedans? Dieu possible. Allez, venez fouiner, mes petits rats. Attention! Il a son pistolet! Où qui se tombe? Qui ça? Qui ça, hein? Baisse ton pistolet, Kerjean, c'est pas la peine! Où est le petit? Il est pas là, le petit! Je sais pas où qu'il est! C'est votre affaire! Oh. Et Delmotte, il est dans sa cabine, pardi! Sa cabine, où est-elle? Là! Regarde-moi! Je vous avais dit qu'il était foutu! Oh putain! Vous avez raison, ça pue ici! Je vais prendre l'air! Arrête, capitaine! Pousse-toi, Tintignac! Tu veux manger du plomb par le bide? Écarte-toi! C'est bon! Où qui va? Toi! Poussez-vous! Kerjean a foutu le camp! J'ai rien pu faire! Il ira pas loin! Il a bien la machine à le capitaine pilote! Massacré, ouais! Et Lucien, il est pas dans l'autre cabine? Il y a personne! Misère! Faut rattraper Kerjean! Faut mettre ses tordures au fer! Roume à la crevure! Allez, venez, les gars! Venez! Venez! Doucement, les gars! Il a son pistolet, ce salaud! Va chercher ton fusil, Samson! Oui! Kerjean! Où qu'il est? Pélan, t'es sorti de ton trou pour protéger ton maître, hein? Je veux éviter un malheur! Vous entendez? C'est la meilleure, un malheur! Mais il est déjà là, le malheur, mon pauvre vieux! Oui, il a raison! Kerjean est devenu fou! Il a tué de la motte! Et on sait pas ce qu'est devenu le mousse! Il n'y a pas à discuter, cherchons-le! Il est là, hein? Au pied du mât de misaine. Où donc? Là, derrière les Doris. Venez, les gars. Gaffe à son pistolet. Fais pas l'idiot, Kerjean. Rends-toi. Tu seras mis au fer et tu seras jugé quand on rentrera. On ne fera pas de mal. Tu plaisantes? Le premier qui approche, je lui fais sauter sa cervelle de Sansonnet. Vous entendez? J'ai le fusil. Faites pas de bêtises. Ta gueule, toi, c'est trop tard avec cette ordure-là. Tu crois qu'on... Il a tué de la motte, Pélan. On te l'a dit. Alors, les pêcheurs, on sait pas quoi faire du bon capitaine Kerjean. À cette distance, trop lui la panse, il est bon à rien avec son revolver. Vous allez pas faire ça. Écoutez, bon sang. Samson peut l'avoir. Chloé a raison. Qu'est-ce que c'est que ça? En train de voir. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'entends rien. Taisez-vous, écoutez. On dirait le ça bruit. Ça se rapproche depuis tout à l'heure. Je l'ai entendu. Un vapeur. Oh, et bien sûr nous. Doris, il faut essayer de l'atteindre. Merci, Glorek. Oh, non, non, de Dieu. Corbeil. Encore Corbeil. Attends. Allez. Corbeil. Allez. Corbeil. Accroche-toi. Accroche-toi. Tiens, allez. Corbeil. Là, là. Glorek, aide-moi à le remonter. Aide-moi. Allez. Ah oui. C'est ça. Voilà. Corbeil. Allez. Merci. Merci. Merci. Merci, merci. Tire ça, Tanténiac. Il faut qu'on se réchauffe, sinon on va y rester. J'ai trop froid. Il a raison, Cloarec. Faut qu'on ôte nos paletots. Ah, allez, vous pouvez m'aider. Avec mon bras, je pourrais pas tout seul. Aïe, aïe, aïe. Ouais, l'un contre l'autre. La brume se lève. Un peu tard. Il faut se réchauffer. Là, encore un gars. Là, accroché à ce tonneau. Mon Dieu, il a raison. Il est vivant. Je sais pas. On voit pas. Il est trop noir. Mais non, Non, on va aller le chercher. Avec la rame qui reste. Tiens, tiens, tiens. Aide-le, ta... Aide-le, aide-le de ton côté. Oui, oui, oui. À la main, à la main. Dieu de bras, je peux pas, moi. Allez, encore un peu. Ah, bon Dieu, on n'avance pas. Avec cette arme cassée, allez, je peux rien faire. J'ai pas de force. Et tu y es presque, là, allez. Allez, allez les gars. Allez. Attrape-le. Attrape-le. Attrape-le, tiens. Je peux pas, moi. Allez, tire. On le tient. On le tient. On le tient. Il est accroché à son tonneau. Allez, les gars. Attendez, je vais essayer de vous aider. Laisse. Allez. Tu vas t'escarter encore plus le bras. Là. Là. Là. Là. Là. Allez. Oh bon Dieu! Quoi là? Regarde ta prise. Regarde! Oh merde! Pierre-Jean. Il est mort. Mort lui? Non. Regarde-moi ça. Il est bleu, il n'est pas encore mort. Je te le dis. On va crever. Pierre-Jean, t'es vivant, salaud. Combien de temps? 4 jours. Je vais crever si je mange pas. Mais comme nous tous, Kerjan. On est fichus. Vous connaissez l'histoire des naufragés de la Gaillarde? C'était un brick goélette malouin. Il a été pris par un iceberg. Les 70 hommes ont eu le temps de monter sur les Doris ou dans des chaloupes, mais sans vivres ni eau. J'en ai entendu parler. Où que ça nous mène, dis ton histoire. Sur 70 hommes, on n'en a retrouvé que 8 de vivants. Après plus d'un mois. Ils avaient à boire et à manger, ceux-là. Non. Non? Non. Ils ont mangé les plus petits, les moins gaillards d'abord. Ils ont bu leur sang et bouffé leur viande. C'est comme ça qu'ils ont fini. Les plus faibles ou les plus pourris, ça fait pas une grande perte. Hein, Kerjan? Pourquoi tu dis ça, Corbett? Oh, devine. Tu parles. Il doit être tout raide. C'est pas de la bonne viande. Le sang noir, ça fait vivre. Regarde comme il s'en sort toujours. Pas cette fois, alors. Vous rigolez, les gars? Quand on a trop faim, on sait pas ce qu'on peut faire. Si, Cloarec, justement, on sait ce qu'on peut faire. Faudra y penser. Faut y penser maintenant. Assassin. C'est maintenant seulement qu'il a peur. Vous le ferez pas. Quand on mange une bête, on mange pas un homme, Kerjan. C'était « Pêche ou crève » ou « Le destin tragique de la Camille » de Paul Grieche. Seconde partie. Avec Hervé Furic, Kerjan, François Sienner, Corbel, Bertrand Suarez-Passos, Delamotte, Rémi Goutalier, Lucien, Grégory Kidel, Le Bihan, Guy Lamarque, Samson, Jean-Claude Sachaud, Cloarec, Didier Brice, Bizouarne, Philippe Béraudeau, Tinténiac, François Hatt, Pélan, Jacques Poiterrier, Le Crubier, et Marie-Bénédicte Roy, Sophie Bezard, Nathalie Canouy, Olivier Chauvel, Régis Chaussard, Michel Baladi, François Briot, Thibaut Mulot. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Stéphane Desmonts, Mathieu Leroux, Laure-Hélène Planchet, Jean-Mathieu Zande.